Les passagers à destination sont priés de se présenter, porte B. Ladies and gentlemen. Are you ready? Let's go! Are you ready? J'ai besoin d'air, claquer la porte, partir et jeter la clé. J'ai dit j'ai besoin d'air, couper mon fun et me barrer tout l'été. Oh moi je veux voir les visages briller et voir mes potos kiffer. L'odeur de la viande grillée, on est tous là pour kiffer. Je me suis déconnecté, j'ai laissé tous mes problèmes de côté. Face mon pas, c'est maudit. J'ai mis les bagages dans l'audi. Je vis sous le ciel gris de Paris. Mais je veux la même vue qu'à Bali. Le quotidien m'a rendu écrit. Donc je démarre la caisse. Les vitres et les lunettes fumées au feu rouge. Je donne toujours une petite pièce. Je débranche Twitter, Facebook, tout ce qui casse la tête. Dans le sud de l'Espagne, je pourrais faire la sieste. Ne m'appelle pas, je réponds plus. Un peu de weed, un peu de thune, je suis frais, je me fais bronzer les plumes. Je coupe le son et l'image, je fais un bisou au village. Dis-leur que j'ai pris le large. Je me suis déconnecté. J'ai laissé tous mes problèmes de beauté. Je suis déconnecté, je me mettrai sur répondeur tout l'été. Et j'écouterai du Biggie, du Tupac pour m'ambiancer. Posé au bord d'une piscine, je ferai la belle comme Beyoncé. Ne m'appelle pas, je suis pas là, la la la la la la la. Je désactive mes comptes, tu avec mes gars. Je suis sous le soleil et je fais le halal. Ne m'appelle pas, je suis pas là, la la la la la la la. Je désactive mes comptes, tu avec mon bras. Je suis sous le soleil. Le téléphone fait que sonner. Désolé, je suis pas là. Et gros, à mon compte, tu vas parler. Et toi, ma tête est malade. Et aujourd'hui, faut que je me barre au soleil. Je peux tirer d'ici, je vais kiffer. Ne m'appelle pas, je suis pas là. La la la la la la la la. Je désactive mes comptes, tu avec mes gars. Je suis sous le soleil et je fais le halal. Ne m'appelle pas. C'est vrai, vas-y. toute sexy day, hommes et femmes bien habillés. À ce qui paraît, je vais me marier. Nalchétal, laissez-moi me casser. Au début, je me suis dit qu'on faisait une petite blague. Jusqu'à ce que j'entende ma mère me dire Oussama, où est-ce que t'as mis la bague? Mais non, Yema, j'ai pas l'âge pour ça. Et là, je commence à stresser en me demandant ce qui s'est passé. Et en plus, pour la dot, moi, j'ai même pas assez. Je dois avoir 10 euros cachés sous le canapé. Ah oui, en plus, j'ai pas de smoking. Je vais arriver, ils vont tous se moquer. Mais bon, Mali, c'est le mariage dérangé. Yalla, yalla, Jidatal, on va tous se mettre à temps. Se marier, lui, je le vois mal avec une arrosa. Non, jamais. Sa mère surexcitée à croire que c'est elle qui va se marier. On entend des youyou à la cité. Arrivé à la mairie pour féliciter. On voit déjà les darons bourrés. Hakim a fait buter le cabriolet. J'ai vu Raja marionner. Elle a dans les enveloppes Doussama et Samra. Sous son 31 avec sa petite abeille. Khalti, aujourd'hui t'es super belle. Hein. Ah, ça veut dire hier, Zahma, j'étais moche. Elle a dit la taille, tu es jaloux. Des selfies. À part ma femme dans la soirée, j'ai pas vu une selfie. J'arrive dans la place, j'aperçois Kaïs mixé. J'suis tellement bien sapé, j'vois tout le monde me fixer. J'vois des femmes se taper pour des bouteilles de jus. J'aime pas si, j'aime pas ça. Y'a tout le monde qui juge. Haha, y'a aussi une qui danse comme une abeille. Avec mes rap sur la piste, on est tous genouillés. Petit pas de danse avec ma femme sur la piste, même si t'es pas invité. Y'a ma baby, y'a Farid qui fout le bordel devant mes yeux. Oh my, j'suis marié, mesdames et messieurs. J'vois le daron Oussama qui gratte des cadeaux. Allez, sortez les couteaux, on va couper les gâteaux. Bon bah, j'espère que l'année prochaine ça sera Fatima et moi. Danser à danse, danse, danse, danse. Ouh, yeah, yeah, yeah, yeah, Showcase. Yeah. famille, c'est DJ Kane. On se retrouve tous les dimanches soirs, minuit 1h avec Fred pour 1 heure de mix de folie. Je profite de ma vie, toujours avec mes potes. York. Direction où je tape, sur la file de droite, je suis pas pressé, je suis en Kansva. Je m'arrête tranquille sur une aire de repos. Petit chien en scred et un petit dodo. Sur un fond DJ Case, à l'aise. Je vois tous les jeunes de France sont devenus balèzes. Pas dans la concurrence, j'ai passé l'âge. Et les mecs, laissez-moi prendre de l'âge. J'ai passé la frontière, je suis en Espagne. Le plus dur à faire, traverser leurs montagnes. Que des portes bagages à perte de vue. Tu retrouves vite le chemin si t'es perdu. Pour rester éveillé, enchaîne les Red Bull. On chante tous en cœur, frère, on est dans notre bulle. Arrivé devant le bateau, je vois que t'es marocain. J'en ai l'odeur du bled, ça y est, je suis bien. Je l'aime, mais y'a que Dieu que j'adore. On s'arrête au resto, tape une bonne grillade. Les vacances commencent sur un faux tricolade. Tête fatiguée, la route m'a tué. Encore quelques kilomètres et on est arrivé. La famille nous attend, ils nous ont tout préparé. On te raconte la route du bled, autour d'un bon thé. Mon but à moi c'est pas d'être célèbre. Qui déteste me suivre, assoiffé de risque. Je brave les épreuves de rêve et triste. J'ai tout approuvé à moi-même. En concubinage avec la mort, c'est fou ce qu'elle m'aime. À moi tout seul, je suis une maladie incurable. Tu me cherches, je suis introuvable. Tu me crèves, je suis incroyable. Toujours là quand il faut pas. Mon ennemi, je le traque, boum, quand il fait un faux pas. Le danger, c'est mon affaire. Laisse faire, tu verras avec moi, elle est belle la guerre. Je te délime, t'es pas menoué. La pitié m'appelle crevard, y'a que le trou qui me fait trembler. Personne me fera ramper, je marche sur un jardin de pièges. Toujours à l'affût et j'ai clapé mon siège. J'aime les défis, corrige mes défauts. Jamais je me défile, je vais, je nique la déco. Inaccessible, toujours deux spies. Irrésistible, ma femme c'est la modestie. Tu peux lire sur mon visage, le grand marqué à vie, ouais. Pas besoin de Sarah Suprême Skyrock. Mes cicatrices sont belles, sont assorties à la rue. Je te donne tes pas menoué. Si tu remarques, mais c'est évident qu'il faut du soir. Paris en New York, juste baby, un record. Ça fait pas comme un spoil, yeah. Ça prend des piges et des piges. Suffit pas d'avoir de la sape, de la sape ou bien de la marque. Je sais pas si tu remarques, mais c'est évident. Il te faut du soir, du soir. Baby, du soir. Ça fait pas comme un spoil, du soir. Ça prend des piges et des piges. Demande à Skalpovic, trop de Lusty. J'kicks à deux billes, prends mon Yevi. Tu veux du swag, il te manque ce truc qui fait que soudain tu te démarques. On se fait pas remarquer, on est remarquable. Faut le dire, personne nous rattrape. Swag et même en plus, si j'reste plus à me merci, passons. Trop de compliments, pourtant j'allais juste pisser. J'ai dit c'est ma toile comme piqué. L'expliquer c'est trop compliqué. Être chic c'est pas l'échec, et qu'est-ce tu perds la tête. Mais au fait, l'été. T'aimerais nous côtoyer, t'es sur la liste rouge. Sur la piste tu bouges mais t'as pas de groove, la louche. Ok ok t'as des loves mais t'as pas le level. T'as mis un LV, putain. Et je sais pas d'avoir ta sape. La sape ou bien ta marque. Je sais pas si tu remarques. Mais c'est évident qu'il te faut du swag. Du swag. Baby, du swag. Ça vient pas comme un sport. Des meufs, les meufs serrés des gars. Et ça, toute la night. Les soirées de samedi soir. Quelques fois samedi soir. Pour quelques billets de sang. Ça part en gîte. Et ça, oh. Allez, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, Y'a des sons que je kiffe pas trop, mais j'aime l'ambiance. À la base, la fun, c'est pas ma carte. J'essaie de suivre le mouvement. Je me contrôle plus sur la piste. Tout le monde est dans son délire. Y'a même des gens chelous. Et je profite de ce qu'à la fin. Après, j'avoue, y'en a qui font. Sur ma toquante, j'galère. Les gars se demandent où ils vont brûler un mois de salaire. Ça cause de boules, de bad bitch, ça va me plaire. Laisse les Brad Pitt fight pour un bout de terre terre. J'file comme une étoile pour me payer ça à fond. Chercher la poque et m'équiper de ma course. Fini l'époque des guerres face au physio. Au platine y'a gay. Je suis un enfant de la fun comme James Brown. J'ai les jambes en feu. Le doigt en l'air, le paquet glisse, c'est trop mielleux. Je suis à déguster, je suis à croquer. Chaud à l'intérieur, appelle-moi moelleux. Suis-nous sur la piste, c'est simple. Des petits pains, un petit cercle en dessous de la boule à facette. Jamais sous tease avec mes yeux de shiny. Cherche pas la kiffe dans le ghetto, c'est la suite. Y'a des sons que je kiffe pas trop, mais je l'aime dans l'ambiance. A la base, la fun, c'est pas ma canne. J'essaie de suivre le mouvement. Je me contrôle plus sur la piste. Tout le monde est dans son délire. Y'a même des gens chelous. Et je profite jusqu'à la fin. Après, j'avoue, y'en a qui font. Jusqu'au bout de la night. Parfois, t'as pas l'envie de sortir t'amuser, mais tes potes t'engrènent. Alors, tu te laisses tenter. Et tu sais dorénavant qu'à la fin, t'auras la migraine. Mais ça vaut le coup. Donc, tu t'emballes pas, ambiance caliente. Oh, tu peux même te mettre à lâcher de trois petits pas de salsa. Beaucoup trop de nostalgie, c'est clair, j'ai la fun pour moi. Trop style, trop de classe, c'est la secla. J'ai sorti le trois quarts, il est sous le bras. Sinon, je suis avec tout le quartier, ne me saoule pas. Chicha emporté, j'ai la hookah. Demain, je m'arrête pas comme AP et Rimka. DJ Case, vas-y, lâche les décibels, on est là, on bouge pas comme le visage d'un fan. Oui, Katanga. Je voudrais me s'excuser, je fais un bitches. Un HLK, j'ai pris un cheese. Et ce soir, on va s'asseoir. Minuit, une heure, minuit, une heure. Ça sera suprême. Oui, ça part DJ K sur Skyrock. De Marrakech à Bollywood. Casa Negra, voisine de Hood. Et à la balle, à c'est 2015, ok, je peux commencer à me la raconter. Ils savent tous que je suis coté, Dieu seul sait ce que j'ai de côté. Big up à tous mes frères, toujours en train de traficoter. Le comble pour un blindé, c'est de pas savoir sur qui compter. Je suis au coloc avec moi-même, non dans ma tête, je sais pas ce qui se passe. J'ai bu trois verres, je suis faillage toute la terre. Je rejoins l'espace, c'est qu'une boycott, je lève mon majeur, je prends un selfie, je leur dédicace. Moi, star, si je suis sur la piste, au platine, c'est DJ Kaïs. J'suis en ami avec Natacha. Ce qu'elle kiffe c'est les chichons. Avec Aïcha Andisha. Pas fini, laisse-toi aller, les. Alors je danse sur du cannelé.

tu vas parler. Pourtant ma tête est malade. Et aujourd'hui, faut que je me barre au soleil. Je peux tirer d'ici, je vais kiffer. Me parle même pas, je suis pas là. Je désactive mes comptes, tu es avec mes gars. Je suis sous le soleil et je fais le halal. Ne m'appelle pas. Soleil et du son frais. Tout l'été sur Skyrock. Bonne vacances. Rang suprême exceptionnel sur Skyrock. Ça dirait après, toi, bah moi je vais au Maroc. Hein. Toi tu vas où? Ah ouais, moi je vais en Algérie, en Kabylie, tu connais. Ah ouais, mais attends, y'a un problème là. On traîne toute l'année ensemble, on va faire comment? Ah ouais, tu sais quoi? Viens, on va en Tunisie. Vas-y, vas-y, lourd. Mais attends, là y'a un deuxième problème. T'as de l'argent pour l'essence? DJ Case. Ah ouais, mais c'est la haze, gros, j'ai que 10 euros. Quoi? Va attendre. Paris, NYC. Arrête. ma scène. Excitant, je suis tentant, t'excitant. You're the night. Si tu me trompes, tu vas casquer comme le gros exclu. J'ai la joie de vivre camoussé dans ma résidence. Même avec une tronche éclatée, je suis un dream vivant. C'est le son de la malade. Pas de belle sable, et toi tu n'es pas dans le move. Ta meuf t'a quitté pour une belle table. On s'en bat les couilles et les rousses. Ça nous disait pas le mien. Hashtag Rail Suprême. De ma cage, je m'esquive une cotille. Jeune classe, élégant, dream pens. Jeune classe, élégant, dream pens. De la malade, ce que tu te rends malade. C'est le son de la malade, ce que tu te rends malade. C'est le son de la malade, ce que tu te rends malade. Ce que tu te rends malade, ce que tu te rends malade. Skyrock, Rail Suprême. C'est DJ Kaze, DJ Kaze. Casse d'aide au pom pom girl. DJ Case. Je fume des grosses barres, j'mets. Il me reste le stick, j'mets. J'ai fait un rêve 38 ans. J'disais au patron, j'gagne. J'sortis moi calé. J'entends arrader, zan. Ça finit au palais. Famille en pleurs, stressant. Trop de mises qui me pissent autour de la piste. Vite, fais oublie. Vite, y'a embrouille. Nique les videurs, même eux, c'est des fils.

negra boys in the hood. C'est 2015, ok, je peux commencer à me la raconter. Ils savent tous que je suis coté, Dieu seul sait ce que j'ai de côté. Big up à tous mes frères, toujours en train de traficoter. Le comble pour un blindé, c'est de pas savoir sur qui compter. Je suis au coloc avec moi-même, non, dans ma tête, je sais pas ce qui se passe. J'ai bu trois verres, je suis faillage, toute la terre. Je rejoins l'espace, c'est comme boycott, je lève mon majeur, je prends un selfie, je leur dédicace. Moi, star, c'est je suis sur la piste, le platine, c'est DJ Kaïs. Et sur Snapchat, je suis en ami avec Natacha. Ce qu'elle kiffe, c'est les chichons. Avec Aïcha Andisha. Je fais bronzer tout l'après-midi. Je goûte toutes sortes de cocktails, fraises, vodka, litchi. Bref, pour le moment, si j'investis, c'est pour la maman. J'ai pas trop le temps, donc s'il vous plaît, me parle à ma montre. Ce soir, chauffe tout le monde, même quand je le pousse à bout. On se croirait dans les Simpsons, les puissiers, je l'appelle à pou. Appelle-moi pour un FIFA, appelle-moi pour un foot. T'en fais danser les défenses, nous on fait lever la foule. Bouge ton bassin à ton épaule, c'est comme ça chez nous. Je te donnerai bien mon phone, mais ton père me regarde chelou. Yeah, Miss, t'es trop belle, je vais te mali-malier. Direction le bled, c'est validé. Habiba, viens, j'ai besoin de m'évader. Mojito à la main, calé sous les palmiers. Je les entends parler, ouais, allez, allez, allez. Pas que ça perd, moi, vais m'en aller moi. Allez, allez, allez, salam, salam, allez, allez, allez. Liste trop belle, je vais te mali malier. Direction le bled, c'est vali validé. Gros KTM, j'oublie les Champs-Élysées. Copico à la main, calé sous les palmiers. Danse, vas-y, danse, moi je kiffe. Sors ta plus belle robe, tes talons, fais la diff. Oh oui, danse, vas-y, danse, moi je kiffe. N'écoute pas les gens, oui, c'est bon, fais ta if. J'suis pas Ronaldo, j'ai pas de Lamborghini. J't'invite au Maddox, t'es gentil, t'as la pimille. Non, bébé, je rigole. Fais pas ta timide, j'aime trop quand tu m'ignores, j'adore quand tu souris. Me fais pas croire que t'es fatigué. Non, non. Question platine, t'as validé. T'as validé. Du gros son, c'est les holidays. Je m'arrive, je veux parier. Paris, Oran, New York. Le 15 juin dans les vagues sur iTunes partout. C'est validé. Liste des troubelles, je vais te mali-malier. Direction le bled, c'est validé. Habiba, viens, j'ai besoin de m'évader. Mojito à la main, calé sous les palmiers. Je les entends parler, ouais. Allez, allez, allez, pas que ça ferme. Je t'ai trouvé, tu sais que mon cœur attendait. Seul dans mon lit, y'a comme un vide. Toute la nuit, je fais que penser. Je suis un kiss kiss girl, je suis ailleurs. Que celui qui dise n'en ait pas peur. T'es pas prête, pas besoin de parler. Je t'en prie, juste ouvre-moi ton cœur. Miss, t'es trop belle, je vais te mali-malier. Direction le bled, c'est validé. Habiba, viens, j'ai besoin de m'évader. Mojito à la main, calé sous les palmiers. Je les entends parler, ouais. Allez, allez, allez. Ça perd moi, allez, allez, allez. Disponible sur mon chien et moi, allez, allez, allez. Salam, salam, allez, allez, allez. Miss, t'es trop belle, je vais te mali-malier. Direction le bled, c'est validé. Habiba, viens, j'ai besoin de m'évader. Mojito à la main, calé sous les palmiers. Je les entends parler, ouais, allez, allez, allez. Pas que ça perd moi, allez, allez, allez. Je crois que je vais m'en aller, moi, allez, allez, allez. Salam, salam, allez, allez, allez. Un nouvel exclu total. Un deuxième son qui s'appelle On se met bien avec DJ Case. Il sera sur l'album Check Sahi. Skyrock, Rai Suprême. C'est DJ Case, DJ Case. Paris, Oran, New York. C'est nouveau, DJ Case. Seulement sur Skyrock. Justin Records. Justin Records. Elle m'a demandé une clope, mais voulait mon 06. J'ai qu'une chicha, mais vas-y, on négocie. DJ Case, don't stop. T'as reconnu l'équipe. Mon téléphone sonne, on dit vas-y, fais les hits. Nous, on se met bien, poto, vas-y, tweet. Dans la boîte, y'a des meufs qui twerk. Viens à ma table, si, si j'insiste. Fais comme chez toi, oui, serre-toi un verre. Sur Snapchat, t'envoies des trucs chelous. Si tu fais la folle, faudra assumer. Assume. Non, parle pas, on agit chez nous. Viens. Mais s'il te plaît, arrête de marceler. Paris, Oran jusqu'à Barcelone. Yeah. Une chose est sûre, moi je me casse au blé. C'est sûr. Salam la mif, on n'est jamais seul, je peux pas oublier. Grosse son, grosse caisse, on arrive. Bronzé, cocktail, c'est la île. On se met bien. Casa, Ibiza, Paris. 40 degrés, c'est la île. On se met bien. Whoa. On se met bien, on se met bien. Hola, que tal, salut, salut, avant que tu me calcules pas là, tu veux me passer l'anneau. Mais j'étais mis un stop, t'es tombé dans le panneau. Je vais m'en aller, je vais me caler. Je suis en deux blés, bien entouré. Toi t'es bloqué sous le périph, nous on se met bien loin de Paris. Tu me regardes, qu'est-ce qui t'arrive? Sans ton équipe, tu balises. Maroc, Tunis, Algérie, 2015, c'est la folie. Bronzé, cocktail, c'est la vie. Gros son, grosse caisse, on arrive. Bronzé, cocktail, c'est la île. On se met bien. Casa, Ibiza, Paris. 40 degrés, c'est la île. Salut la famille, c'est DJ Case. On se retrouve tous les dimanches soirs, minuit 1h, avec Fred pour 1 heure de mix de folie. Hola, hola, hola. Nous on se met bien. Oui, oui, oui, oui. On se fait, yeah, yeah. sur Skyrock. Paris, Oran, New York. On se met bien. La MIF. Passe de bonnes vacances. C'est Rail Suprême sur Skyrock. Passe de bonnes vacances. C'est Rail Suprême sur Skyrock. C'est Purple Money, 609. Gaïna ça met l'artiste sur Skyrock. Gaïna ça met l'artiste sur Skyrock. Gaïna ça met l'artiste sur Skyrock. Cambrai comme un 2,5. Victoria Secret. Le bout d'un des années. T'as un style et laissé. Quand tu m'envoies des photos, je zoome sur tes fesses. Je suis avec mes potos. Rame toutes les tigresses. Fais pas ta Beyoncé. Non. Je vais pas prendre ta carte. Non. Tu vas finir poncé. Non. Je ne dure pas qu'un quart d'heure. Non. J'aime quand tu danses la Zumba. Non. J'ai arrêté de ça au polo. Mais mon pote à Rumba. Parce que t'es une Horoto. Le ramadan est fini. Tu peux refaire ta folle. J'ai mis les garettes et les bouteilles d'alcool. Je te fais un jean, fais les plats. Mais ma chérie, faut le remplir. Si ton cordon fait les pas, par un euro, je vais sortir. Au pire, il me reste mes mains. Et les photos de Rihanna. Quelques rouleaux ne sont pas là. Je suis à Punta Cana. On y va. Tu es sur Skyrock. On y va. Tu es. Gaïna ça met dans les bacs le 23 juin et de Guay. De clichés, t'aimes trop faire la fête. Paris c'est pas Miami. Tu crois mettre des disquettes quand tu m'envoies tes photos. Je vois un mec pas balèze. Toi et tous tes potos, je t'ai vu d'une falaise. Je fais ma Beyoncé, mais sûrement pas avec toi. T'es bon qu'à Beyoncé, faut que tu trouves un emploi. T'as pas ramené tes chaussettes sous ta paire de sandales. Le swag d'un Romain Michel, tiens, je te passe 100 balles. Le ramadan arrive, tu vas refaire le mytho. Prends pour un Qatari et fermer tes rideaux. Mais moi, je sais qui se passe derrière. Tu squattes les sites de rencontres. On connaît tous ta carrière, mec, on a signalé ton compte. L'amour, ça ne s'achète pas. Au pire, t'auras des tapins. T'as le mental d'un sec pas. Tu prends mal ton baratin. Romantic. Sur Sky. Comme ça qu'on s'amuse dans le ghetto. Faites du bruit. C'est 2015, ok, je peux commencer à me la raconter. Ils savent tous que je suis coté, Dieu seul sait ce que j'ai de côté. Big up à tous mes frères, toujours en train de traficoter. Le comble pour un blindé, c'est de pas savoir sur qui compter. Je suis au coloc avec moi-même, non dans ma tête, je sais pas ce qui se passe. J'ai bu trois verres, je suis faillage toute la terre. Je rejoins l'espace, c'est qu'un boy quand je lève mon majeur. Je prends un selfie, je leur dédicace. Mon star, c'est je suis sur la piste. Le platine, c'est DJ Kaïs. Avec Natacha, ce qu'elle kiffe, c'est les chichos. Avec Aïcha Andija. Et de la vallée à des. Salut la famille, c'est DJ Kaze. On se retrouve tous les dimanches soirs, minuit 1h avec Fred pour une heure de mix de folie. Je mange un tandoori, ah ouais, je repense à Paris, à ce vieux temps pourri. Je me fais masser, je fais bronzer toute l'après-midi. Je goûte toutes sortes de cocktails, fraises, vodka, litchi. Bref, pour le moment, si j'investis, c'est pour la maman. J'ai pas trop le temps, donc s'il vous plaît, me parle à ma montre. Ce soir, chauffe tout le monde, même quand je le pousse à bout. On se croirait dans les Simpsons, les puissiers, je l'appelle à pou. Par Marrakech, car en France c'est grave la dèche. On cherche tous à faire de la moula. Faut que je me bouge de BBS. Donc avec moi je ramène mon gars Puna. J'suis Puna, j'suis Puna, Puna, Puna. J'suis toujours à la furebeu. J'suis toujours dans la cul depuis que t'as entendu mon débit. Bizarre mon gars, vas-tu ne jacques plus. J'prends toujours parti pour mes potes. Mais là mon gars t'abuses. À chaque nouveau couplet je les chope comme mon gars. Va M.O.H. la ruse. Mehdi Benadja, dealer. Tous les chemins mènent à la S-ROM. Ils aimeraient tous rapper comme moi. Donc jusqu'en cabine ils m'espionnent. Si t'arrêtes de rapper, en vrai c'est un mal pour un bien. Les rappeurs sont comme les chanteurs de zouk, toujours à chialer pour un rien. Hein, si Anna c'est Qatar, je veux la maille du Qatar. Si tu veux graille, arrive à l'heure, sinon on prendra ta part. Mes Arbis sont tous al cette année, je viens tout graille. Histoire de finir mes jours dans une villa à Dubaï. Skyrock, graille suprême. Cette année je vais être partout comme le drapeau algérien. Allez où Joséphine? Allez, laissez-moi de toi. Ah bon, c'est comme ça. Mais Aïli 113, t'as l'année. C'est bon. Écoute. Minuit, une heure. Minuit, une heure. C'est Rail Suprême, mixé par DJ K sur Skyrock. Californie, on fumait 350 Benji sur les bords de la corniche. Hebchini, Merli, j'ai rien à perdre. Rien qu'à le malade mental, plus connu que le head, j'm'en bats. J'voudrais passer le aîné à ma bien-aimée avant que j'taille. Comme Cheb Hesney, j'suis sentimental. Partir loin, rien à perdre, riposte, nous lâchez pas. Laissez-moi de toi, comme Robinson sur une île. Mon mouton, j'l'appellerai mercredi. Et dès que l'avion atterrit, j'applaudis. Comme les Chibeni, j'vous rends la carte résidence. Un moment d'évasion, Yarba, lève-toi et danse. Tous les Rai Suprême, en direct sur Skyrock. علاش عليا هاد الحالة قطعت بحور زمان يدور والغربة قد تالا لما بكي نبكي ونقول علاش عليا هاد الحالة بركاني العالم اللي توحداني غريب وبراني كي ندير انا فكرت بلادي وعيت النادي سهر ربي بغدا انا بركاني العالم اللي توحداني غريب وبراني كي ندير انا فكرت بلادي وعيت النادي سهر ربي بغدا انا DJ Kaze. Charbon, c'est pas pour braquer. Elle a souffert pour te plaire, respecte la miss. Les traces sur son bras, c'est le fer babélis. Talons aiguilles, team grosse cuisse. Elle a un bac plus maroc, bête de fils. J'ai refusé des trios avec des jolies femmes. Faut pas non plus abuser, je vais sauver mon âme. Nachetan, en pécane. Didi Kai, c'est artiste, c'est obligé que t'es fan. صاحبي مهمة فيكيتي فيكيتي على جيت ملهي فيكيتي فيكيتي على جيت ملهي ويا شو Maman, non, sans soleil, déconnexion. Maman, sur ton crâne, je relâche la pression. Comme t'as marché, il faut pas te cacher. Ton boulet chargé, tout comme ton passé. Tu n'es pas la seule, non, faut pas te fâcher. T'es fan de moi, mais tu vas te lasser. Fatigué de chercher la bonne, ce que j'ai pas chez l'une, je l'ai chez l'autre. Elle ne veut que le sexe et la somme. Si l'amour est mort, c'est pas de ma faute. Elle aime collectionner les hommes. C'est moi prendre de large. J'ai passé la frontière, je suis en Espagne. Le plus dur à faire, traverser leurs montagnes. Que des portes bagages à perte de vue. Tu retrouves vite le chemin si t'es perdu. Pour rester éveillé, enchaîne les rêves. On chante tous en cœur, frère, on est dans notre but. Arrivé devant le bateau, je vois que t'es marocain. J'en ai l'odeur du bled. DJ Case. Le 15 juin. Je l'aime, mais y'a que tu que j'adore. On s'arrête au resto, tapez une bonne grillade. Les vacances commencent sur un fond de rigolade. Tête fatiguée, la route m'a tué. Encore quelques kilomètres et on est arrivé. La famille nous attend, ils ont tout préparé. On te raconte la route du bled autour d'un bon DJ Case. DJ, Kamel l'ancien. الشام وفي خاطر نص لاباري وفي خاطر ولده امين الصغير يا بجور يا بجور Minuit 1h, c'est Rail Suprême, mixé par DJ K sur Skyrock. Hey ya, mais ça va pas. Ouh, hey ya, hey ya, hey ya, ils sont tous là. Ah, mademoiselle, tu es prêt? Prêt? Donne le numéro. Non, mais attends, je crois que j'ai passé mon numéro, ça te plaît d'air, mais casse-toi la barre. Rail Suprême Skyrock. Aïe aïe aïe, j'aime trop l'ambiance du bled, mon frère. Big up à Platinum Record. Bouger sur Momo et All Kerry. Mon mic est entré, ton corps nous obéit. Alors on chante la misère de nos peuples, la rage de nos keufs, le charme de nos meufs. Entre le béton et la terre rouge, le bitume et le sable. Si t'as le rythme dans la peau, ben vas-y garde-le. Viens d'en bas, c'est du gros son d'Africa. Monte le son, fais péter la zika. Pousse tes voisins à appeler la flicaille. C'est le son qui tue, c'est le son qui blesse. Invite les filles à nous danser la pill dance. Oublie tes galères et viens boire un verre, l'ami. Au bar, c'est O.L. et Mohamed Lamy. Trop préoccupé, je suis comme ça. Écoute le son, si tu te sens concerné. Écoute prépare la chauffe, des gamelles terre, top chef, big frappe de 30 mètres comme Yaya Touré. J'arrive toujours à l'heure où les gens sont bourrés, vitres et lunettes fumées. Au feu rouge, donne toujours une petite pièce sur une plage. En Espagne, je fais la sieste. On fracture les portes, on parle en code. Parlons euro, parlons business, parlons d'autres. J'ai t'as vu le talent, je fais de la housse, on parle galage. Perdu, je suis en décalage, fini riche dans un palace. Rime gadoule, t'entends le son, tes genoux nés. Comme ce mec qui rote, sans cagoule pour fumer. Oh les man, je suis avec ma team sur Panache. Je vis, je vois, j'ai mal pour oublier, je fume le cas. DJ Guys, attends, t'as la tête, même côté. Tu veux te faire une place, mais c'est pas de boycotter. Baby, habibi, j'ai les idées, un passe parfois, je dérape. Trop de changements d'humeur dans mes attitudes. Je suis sur les nerfs, c'est dans mes habitudes. J'irais bien faire un tour dans la ville, me changer les idées. J'entends cette petite voix dans ma tête qui me dit en ja et toi. Je suis perturbé, je m'évade dans mes pensées, je suis trop préoccupé, je suis comme ça. Salut la famille, c'est DJ Kayz. On se retrouve tous les dimanches soirs minuit 1h avec Fred pour 1 heure de mix de folie. انا في برد كلف الامل يا سيدي الهواري سلطان الغالي وش بني عبدك الله سلطان العالية وعبد القادر يا ابو قلب ضيق الحال عليا يا لو حالي يا ابو قلب زيد وروق عليا عبد القادر يا ابو قلب ضيق الحال عليا داوي حالي يا ابو قلب زيد وروق عليا تعودت القليله يا نادي المبنيه قلبت في حيره يا مال عشره طويله bonnes vacances. C'est Rail Suprême sur Skyrock. Skyrock. Skyrock. Rap R&B. Non-stop.